La malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographie et podcast sur le site internet de Radio Culture. الخمر شربوني جميع الناس تفضيلة نشفي من هو علي لساقم شربي للمناح فيه الراحة والراح فيا شي ريحة من العطر مع النعنع خلط الزنجبيلة فيا شي حكمة على الألم وجميع اللي لقيته داخل فيه الشباح نزول الذر والكدر ونحبط جميع المكلة اللي ثقيلة يا الزهو البال والكرايم الطلبة مخلطة والعولمة الفصاح والبرادي شلو شنضر والكيسان درافية كتاقو تشعيلة والبقراج بحال الصراجم والسينية على كراسة عيدان ملاح والبابور يفور في الجمر وشمع يضوي كتير في هاد الليلة كريم الجواد الفتاح لله الحمد ونعم الشكر لا حول في مقدر ولا لحيلة وانت يا كيفاش يا الخادم ضحيتي تضدي لون الوضاح مالك جاوبيني بالجهر يا كنتي يا غير خديمة قليلة أو على القهوة لا تيوي عير في القهوة قدام القاضي يا كنتي يا غير خديمة قليلة أبا خديمة اسمها سمرة دونك شغولي لا تريتي ديسكلاف قليلة يا كنتي يا غير خديمة قليلة ما فيك لا نشوى ولا نسايم يغيطو فيك الفناجل هما وشباح يوديوك فناجل الحجر ولا قدو حطين موزون بكيلة قهوة تريبوستي قالت له جزاك يا الشاتم قصر من دي الكلام لا تتسمى مباح انا اللي طبي مشتهر نضري المريض من عذايله الطويلة نشفي من هو عليل ساقم يبرى من علايله من ضره يرتاح نبري من صدع والسفر والسهرة بيا تكون للنوم طويلة القهوة والنتاية خلو من داعي من القاضي شمسه قالوا له يا حاكم القضاء تحكم بيناتنا ولا تعمل حيلة القهوة والنتاية خلو من داعي من القاضي شمسه قالوا له يا حاكم القضاء تحكم بيناتنا ولا تعمل حيلة يا الفهم ما يبقى من يساومك في سوقك براع توالم البعير والبقر يا كنتا يا حشيش مسبوغ كي النيلة مر كما الحنظل في الفم لو ما السكر ما يشربوك حتى تسرح جميع اللي شربك ينطهر وانا طبي نعالجوه بالتحليلة فالقى بيك يتكلم يدسيكم يا كرام قاعد واكم نجاح لكن لا تايخ صايلو كتر يا كنتي يا رخيص ومكسيلة لا تينزاها مع الكرايم به الجلسات زيد تحلى بهنا وفرح خلقوا ربي شامخ القدر وعطاها الله حسن الصورة الجميلة بتوسل الغني الدايم لها السر العظيم والأولية الصلاح هل الزهو ناس القدر دوك اللي قعمال فيهم تبذيلة صلى الله على النبي وسلم وعلى آل مع أصحابه صحابه الرجاح عمر وعثمان وابو بكر انصار النبي مع علي ابو تعويلة القهوة ولا تسيل فأخذوا بعيد القاضي شمس قالوا له يا حاكم القضاء تحكم بيناتنا ولا تعمل الحكيم القهوة ولا تسيل الفهم خلو مدعي من القاضي شمس قالوا له يا حاكم القضاء تحكم بيناتنا ولا تعمل حيلة طلعت فوق السجرة والريح زعزع فيا والناس قالوا محبول وانا الغرام في اللي بيا يوم طلعت فوق السجرة والريح زعزع فيا والناس قالوا محبول وانا الغرام في اللي بيا وما نعرف الناس بقر ما نعرف وناس بقر وما نعرف يا لو كان عارف ما نعشق وناس بقر ايوا I'm not sure if I'm going to be able to do it. القطار كاستب ولا الإمران منو شطب يا خمار مريض وانا صغير منع انا صغير منع وانا صغير يا لو كان عارف منع شر وانا صغير ما يعرف هو صغير منع وانا صغير يا لو كان عارف منع شر وانا صغير منع عرف من عشر وانا صغير Bonjour à tous, vous êtes donc dans la malle de Sinbad avec Sébastien pour un petit numéro spécial. Ce numéro va être consacré à un morceau de musique extrêmement connu au Maghreb, El Qahwa wa la Tay, le café et le thé, et vous venez d'entendre une version interprétée par le grand chanteur algérien Hamidou. Cette chanson nous retrace eh bien, la dispute survenue entre le café et le thé, dispute qui amène ces deux boissons à se présenter au juge, au qadi, afin que ce dernier tranche et rende son verdict pour savoir finalement quelle est du café ou du thé la meilleure des boissons. Et bien entendu, chacun y va de ses arguments. À la fin, eh bien, c'est le thé qui l'emporte. Il n'empêche que si on s'extrait un petit peu de cette qasida, donc de cette poésie extrêmement classique, hein, qui date finalement vraisemblablement du 17e ou du 18e siècle, cela nous permet eh bien, de revenir sur des faits historiques parfaitement avérés. Il s'agit d'une grande dispute qui a eu lieu tout au long du XVIe siècle, entre eh bien, des juristes, des fuqaha, pour savoir si, oui ou non, le café était licite. Et peut-être que pour eh bien, nous rapprocher un petit peu plus des événements en question, le mieux est de nous reporter au texte même d'El Jaziri, dont on a déjà parlé, cet épître, donc Amdat Safwafi Hel Qahwa, cet épître donc, qui statue favorablement au caractère licite du café. Et nous allons donc eh bien, reprendre les faits tels qu'ils nous sont narrés par El Jazeera. Et je vous donne déjà une première lecture pour se remettre un petit peu dans le bain, pour voir un petit peu au XVIe siècle, eh bien, comment le café va se répandre. On en a déjà un petit peu parlé, notamment en Égypte, et je vous livre donc le premier récit à ce sujet. Sur la première apparition du café en Égypte, le savant Ibn Abd al-Ghaffar raconte qu'il le fit dans le quartier de la mosquée d'Al-Azhar, rempli par la remémoration de Dieu dans la première décade de ce siècle, le dixième, c'est-à-dire pour nous le XVIe siècle chrétien. On buvait le café au sein même de la mosquée, dans le pavillon du Yémen. Les Yéménites, et ceux venant des lieux saints, habitant leur pavillon, les consommaient. Les autres usagers du café étaient les pauvres soufis, commis aux exercices de la récollection et des louanges de Dieu, selon leurs règles, soufis, sus-évoquées. Ils boivent le café la veille de chaque lundi et de chaque vendredi. Ils le mettent dans un grand récipient en argile rouge. Leur préposé en puise à l'aide d'une petite écuelle, pour leur en faire boire, en commençant par se placer à sa droite, sans pour autant qu'ils cessent leur remémoration habituelle qui est « Il n'y a de Dieu qu'Allah, le roi, le véritable, l'indubitable ». Avec leur accord, Ceux de l'assistance, qui participent à ces exercices religieux par leur présence, peuvent boire également le café. Il dit, il s'agit du narrateur, « Je faisais partie de l'assistance. Nous en avions bu et l'avions trouvé comme il le décrivait. Il repousse le sommeil et la paresse. De sorte que nous avions veillé avec eux des nuits innombrables jusqu'à l'aube, où l'on faisait la prière en groupe, sans éprouver de fatigue. Très nombreux étaient les gens dans la mosquée, dont nos amis, qui prenaient avec eux le café. Les choses en sont encore aujourd'hui ainsi. » Le café fut consommé par beaucoup dans le quartier de la mosquée d'El-Azhar, et sa vente devint publique dans nombre d'endroits, et il ne se trouva personne pour interdire sa consommation ou pour la désapprouver, même au sein de l'administration. Le café devint notoire à la Mecque, et sa consommation pénétra au sein même de la mosquée sacrée, où repose le prophète, c'est ce que nous rappelle le traducteur, et dont d'autres mosquées, de sorte qu'aucun exercice de récollection, ni aucune fête célébrant la naissance du prophète, n'eut lieu sans la présence du café. Le café se répandit à Médine, la noble, d'une toute autre manière que celle que connut la Mecque. Les gens de Médine le faisaient cuire chez eux et en consommaient beaucoup. Et c'est là que nous arrivons, eh bien, à cette crise importante qui va survenir au début du XVIe siècle. Puis, la réprobation du café survint à la Mecque, sacrée, en l'an 917 de l'Égir, soit mars 1511 jusqu'à mars 1512. Nous n'avons pas de date plus précise. Les responsables de cette décision sont deux frères, non arabes, notoirement connus sous le nom de Hakimayn. Ils avaient le mérite d'être versés dans la logique et la théologie dogmatique, ilm al-kalam, ainsi que dans l'exercice commun de la médecine. Ils prétendent exercer une fonction dans le fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence religieuse, ce qu'ils n'avaient reçu d'aucune instance. Donc là, l'auteur, évidemment, montre que leur prétention à rendre un jugement est infondée. Ces deux hommes partirent pour l'Égypte à la fin de l'époque de l'état d'El-Raouri, où ils s'y établirent. Lorsqu'y arriva le sultan, le roi victorieux Selim Shah, que Dieu irrigue de sa bonté son règne, il les tua pour les calomnies lancées contre lui, dont Dieu sait mieux que quiconque la teneur. Donc ce qui est intéressant, je me permets ici une parenthèse, c'est de voir que sur fond de controverse, eh bien on a également une lutte entre les anciens tenant des lieux saints. Il s'agit ici eh bien de la dynastie Mamelouk, qui va bientôt cesser d'exercer son autorité, puisqu'elle va être renversée par les Ottomans. Et donc on voit parfaitement comment les partis pris sur telle ou telle autorisation, interdiction, recouvrent également eh bien, des enjeux politiques beaucoup plus profonds. Il les tua donc pour les calomnies lancées contre lui, dont Dieu sait mieux que quiconque la teneur. Celui qui aida ces deux hommes à se dresser contre l'usage du café est le cheikh Shamseddin Mohamed al-Hanafi, al-Khatib, le préposé du Qadi des Qadis, Sareddin bin Shehna. Ainsi donc, voilà posée eh bien, la première controverse. La question est, puisque le café est un produit nouveau, qui peut, on en avait déjà parlé, suscité eh bien, des débats, puisque certains consommateurs l'utilisent d'une manière inappropriée, toute la question va tourner autour eh bien, de son caractère licite ou non en tant qu'innovation, c'est-à-dire en tant que bid'a. Où eh bien, nous amène cette dispute? Je continue à citer Al-Jaziri. En l'an 941, et on se situe donc pour nos années chrétiennes, entre 1534 et 1535. Les opposants au café vinrent jusqu'au lieu même où le cheikh tient ses séances d'exhortation pour lui soumettre le problème. Il rendit alors une fatwa, déclarant illicite le café. Donc ici, on est en présence de ce cheikh, donc Shihabuddin Ahmad bin Haq al-Sunbati al-Shafi'i, qui va interdire, eh bien, le café. Il persévéra fermement dans sa position au cours de ses séances à la mosquée d'Al-Azhar. En l'entendant s'exprimer ainsi, des gens prirent son parti et se dirigèrent spontanément vers les cafés sans aucune injonction légale, mais uniquement pour se réunir publiquement en grand nombre, donc les Mujarrad al-Hafalat al-Ammiya, comme il nous est dit en arabe. Et que font-ils? Ils cassèrent les récipients où l'on boit du café et frappèrent un certain nombre de personnes qui étaient dans les cafés. Une grande discorde, fitna kabira, le terme est extrêmement fort, éclata alors entre des factions partagées entre sa légitimité et son interdiction. Le besoin se fit sentir d'une nouvelle consultation juridique et l'affaire parvint au qadi d'Égypte, le cheikh Mohammed bin Ilyas al-Hanafi. Il demanda l'avis de plusieurs savants, jurisconsultes au Caire, puis s'appuya sur la consultation juridique de l'un d'entre eux, qui a déclaré licite le café. Puis rendit publique sa décision. Il ordonna, et ça c'est très important, on va voir quelle est sa démarche expérimentale en tant qu'expert, il ordonna de faire cuire le café dans sa propre demeure, et l'on en servit à plusieurs personnes en sa présence. Puis il discuta avec eux presque toute la journée, pour examiner et s'enquérir de leur état. Il ne trouva rien de changé dans leur comportement, ni quoi que ce soit de blâmable. Il décida alors fermement la légitimité du café. Et pour conclure, eh bien, le mieux est finalement de donner la parole à Shihabuddin ibn Abd al-Ghaffar, donc, qui est en fait celui qui a inspiré eh bien, l'ouvrage résumé d'Al-Jaziri. Pourquoi? Parce que, en le citant, nous allons pouvoir obtenir une fatwa qui a été rendue en faveur de la consommation du café. Ça va nous permettre de lire précisément comment eh bien, l'argumentation légitimant la consommation du café a été formulée. Je la cite. « Est-il permis, interdit ou répréhensible ?» de consommer de ces substances qui voilent la raison, comme l'opium, le gâteau aux narcotiques ou les noix muscades. Est-ce que le principe de la prohibition est valable pour toutes ces substances ou est-ce que le principe de chacune d'entre elles est incompatible avec les autres? Est-ce que le témoignage d'un consommateur de l'une quelconque de ces substances doit être accepté ou rejeté? Ayez la bonté de nous répondre et exposez-nous clairement le problème. Que Dieu vous accorde ses bienfaits. Et voici la réponse. L'opium, l'herbe, il s'agit ici du chanvre indien, la jusquiame noire et tout ce qui comprend un peu de ces substances, comme le marmol, il s'agit donc de ce gâteau aux narcotiques, doivent être sans doute aucun interdit, car c'est immoral d'en manger sans aucune nécessité. Et le témoignage de leur consommateur devra être écarté s'il ne vient pas à résipiscence légalement. Les grands imams, que Dieu leur accorde sa satisfaction, se sont prononcés en faveur de leur interdiction, par analogie avec le vin, car, c'est là l'argumentation, ces substances éloignent de l'exercice de l'évocation de Dieu et de la prière. Aussi furent-elles interdites comme le vin, même si évidemment, nous savons aussi que dans le Coran, eh bien, les versets relatifs ou non à la consommation du vin peuvent parfaitement diverger. On en a quatre et leur interprétation a fait l'objet eh bien, de verdicts différents suivant les écoles de jurisprudence. Fermons la parenthèse. Aussi furent-elles interdites comme le vin. En revanche, en consommer par nécessité, peut-être une prescription légale, sunna, comme le fait de se soigner avec un peu d'opium. Cela peut devenir obligatoire pour celui qui s'y est accoutumé, je veux dire à l'opium, et qui risque sa vie en cessant d'en prendre. On voit donc tout l'aspect pragmatique également de la fatwa. L'opium peut être licite à celui qui doit perdre momentanément toute sensibilité pour faire enlever un chancre ou une scrofule. Le fait de consommer un peu d'opium, qui ne nuit pas à la santé, peut être répréhensible du fait de la crainte d'entraîner une accoutumance. Absolument. Si la finalité de la consommation de l'opium est l'assiduité, cela devra être interdit. Concernant la noix de muscade indienne, sa consommation sans nécessité devra être interdite si elle trouble la raison. Quant au qat et à la kifta, c'est une sorte de pâte de qat, je ne crois pas qu'ils altèrent la raison, ni non plus qu'ils détournent le croyant de l'obéissance à Dieu. Il en résulte au contraire une ardeur, une vivacité et une bonne humeur. Il n'entraîne aucun préjudice sur la santé. Il se peut même que cela aide à travailler plus, et dans ce cas, il faut le rendre licite. Ça, c'est évidemment très important en ce qui concerne le café. Si cet exercice cultuel va dans le sens de l'obéissance à Dieu, alors la consommation du qat relève de l'acte d'obéissance à Dieu, ce que l'on appelle la ta'a. En revanche, si cet exercice va dans le sens de la chose permise, ce qui est donc moubar, alors la consommation du café l'est également. Les moyens sont régis par le principe des fins, ça c'est extrêmement important, hein, ce qu'on appelle fellouassa et le hukm el maqasid. La règle est la même pour le bon et le café, et Dieu, qu'il soit loué, connaît tout mieux que quiconque. Ce qui veut donc dire que on a un véritable argumentaire qui est développé sur la substance, sur ses usages et sur le rappel, eh bien, de verdicts qui ont pu être rendus en ce qui concerne des substances tout à fait comparables dans les problèmes qu'ils ont pu lever. Et nous nous quittons sur une nouvelle version, une autre version plutôt, d'Al-Qahwa wa Latay, cette fois-ci celle interprétée par Al-Hajj Mursa. Voilà. Et nous vous disons à très bientôt. Au revoir. واللي عليه الحق ينتصر واللي مغلوب ياك يرضى بالقيله انتقلت هيا الحكم قال انا اليوم عاد الشرب يموبا ما نشبه شي حاله الخمر يشربوني جميع الناس بفضيله نشفي من هو علي السقم شربي للملاح فيه الراحه والراح فيا شريحه من العطر ملكي جو بيني بالجهر يا كنتي يا غير خديمه قليله ما فيك لا نشوى ولا نسايم في غيدو بيك ناجل الهمه والشباح يواتي وكف ناجل الحجر ولا قدو حطين موزون بالكيله جزاك الله يا شاتم قصر منك نام لا تسمى مباح انا لي طبي مشتهر نبري المريض ما علالو الطويله نشفي من هو علي الساقم يبرى من عليل ومن ضرو يرتاح نبري مصدع وسقر والسهره تكون من يساومك من سوقك بالراحة توالم للبعير والبقر يا كنت غير حشيشة مسبوك النيلة مركم الحنطل في لكم نوم السكر ما يشربوا حتى صراحة جميع اللي يشربك ينقهر وانا طبين عالجو بالتحليلة فقال القاضي كي تكلم يزيكم يا كرام قاعد واكم من جاح لكن اتي صايلو يا كنتي يا رخيصة وسومك وصغيرة لا تينزها مع الكرايم الجلسة تزيد فيه همة وفراحة خلق ربي شمخ القدر وعطاه الله حسن الصورة الجميلة صلى الله على النبي وسلم وعلى آله مع أصحابه صحبه وبجاه عمر وعثمان أبو بكر أنصار نبي مع علي بوت فضيلة نتوسل الغالي دايم الدهم السر العظيم والأولياء النجاح تغفر لي وجميع من حضر وتنصرنا جميع في هذه الليلة La malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographie et podcasts sur le site internet de Radio Culture.